Nous sommes en compagnie de Thérèse Ancrenaz, nous parlons des planètes géantes dans le système solaire, parce qu'aujourd'hui il faut vraiment bien le préciser, justement c'est l'intérêt de la planétologie comparée avec les découvertes depuis 1995 d'exoplanètes qui vont servir de plus en plus de références pour savoir si notre système solaire est unique ou s'il est banal. Pour en rester à ce couple de planètes géantes que sont Jupiter et Saturne, est-ce que, malgré leurs différences, on peut toutes les deux les mettre dans le même sac ? Au premier ordre, oui, je pense. Je pense que oui, parce qu'elles ont déjà, on les observe. Alors, mettons de côté le fait que Saturne a un système d'anneaux extrêmement développé, ce qui n'est pas le cas de Jupiter. Parlons juste des atmosphères. Vous avez dans les deux cas un système de bandes et de zones, des vents très forts à l'équateur. Vous avez dans le cas de Saturne, alors la différence. Quand vous dites très fort, c'est quel ordre de grandeur ? Que je vous dise pas de bêtises. Ce sont des centaines et milliers de kilomètres heure. Ah non, c'est de l'ordre de la centaine. Attendez, on parle plutôt en mètres secondes, c'est pour ça que j'ai peur de faire une confusion. Dites-le en mètres secondes. Bah justement, mais j'en suis plus sûre. Je dirais que c'est de l'ordre de la centaine de mètres secondes. D'accord. Ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Bon, j'espère que je ne me trompe pas. Non, mais on viendra vers vos ouvrages. Oui, donc, alors, une différence importante, je pense, c'est que Saturne est plus froid, tout simplement. Donc, on a vu que sur Jupiter, on a une couche de nuages NH3, donc d'ammoniac. Et dans le cas de Saturne, cette couche va être beaucoup plus épaisse. Parce que la température étant plus froide, les modèles thermochimiques montrent qu'on attend... Et c'est ce qui fait que la couleur de Saturne est jaune et beaucoup plus uniforme que celle de Jupiter. Donc, c'est bien des compositions chimiques ? Oui. Lié à des températures. Mais oui. Et lié à la position de naissance de ces planètes. Tout à fait, la distance héliocentrique est très, très importante. Alors quand on prend Uranus et Neptune, là c'est déjà plus un problème pour l'observateur, parce qu'elles sont tellement froides que beaucoup de molécules vont condenser à des niveaux tels qui ne sont pas observables. Par exemple, on a détecté H2O gazeux en profondeur sur Jupiter et Saturne. On n'a pas pu le faire sur Uranus et Neptune, parce que c'est à des profondeurs telles que ce n'est pas observable. Ouais. Et c'est pareil pour NH3, c'est pareil pour pH3, pareil pour... Et par contre, ce qui se passe, c'est que la température... Alors, ce minimum de température donc, que j'évoquais précédemment, il fait 50 degrés K sur Uranus et Neptune, ce qui est extrêmement froid, alors qu'il fait 110 sur Jupiter et 90 sur Saturne. Et à 50 degrés K, eh ben, c'est bien simple, tout condense, et même le méthane. Même le méthane. Donc, vous avez condensation du méthane sur Uranus et Neptune, mais il en reste quand même un peu. Et dans la haute atmosphère, alors vous avez sur les quatre planètes un phénomène qu'on retrouve partout, c'est la photodissociation du méthane restant, qui vous donne toute une série d'hydrocarbures et d'ailleurs des spectres extrêmement riches dans l'infrarouge, parce que vous avez C2H2, C2H4, C2H6, vous avez dans certains cas C6H6, CH3. Toute une kyrielle de... C'est une vraie usine chimique. C'est une vraie usine chimique. Si, oui, absolument. Et est-ce que ces systèmes évoluent ? Est-ce que ces planètes changent ? Vous nous avez dit, on ne sait pas très bien ce qu'est, oui, par exemple, la tache rouge, mais est-ce qu'elle a toujours existé ou est-ce qu'en continu, là aussi, ça évolue, ça change ? Il y a une évolution que l'on comprend, c'est celle de l'évolution saisonnière, comme je vous disais. Ouais. Et ça, on l'observe sur Titan, par exemple. On voit des effets saisonniers très nets. Ce qui s'est passé du temps de Voyager n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Un autre exemple, c'est Uranus, qui a, comme vous le savez, la particularité d'avoir son axe de rotation pratiquement dans le plan de l'écliptique. Ce qui fait que quand Uranus tourne autour du Soleil, eh bien, de temps en temps, vous voyez l'axe du pôle, de temps en temps, vous la voyez côté équateur. Et ça donne évidemment des configurations très différentes. Ça a été une grande surprise, hein, d'ailleurs, au moment du passage de Voyager, que de découvrir une planète aussi agitée. Je pensais à Neptune. À Neptune, sans aucun doute. On pensait qu'elle serait tranquille parce qu'elle Absolument. Serait loin. Neptune a été une très grande surprise parce qu'en plus, il y a des phénomènes saisonniers dont on ne comprend pas très bien l'origine, parce que ce n'est pas lié, c'est sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Il y a des systèmes nuageux qui se forment et qui se défont sur Neptune. Et quand Voyager est passé, il y avait cette merveilleuse tache sombre qui a fait penser à un analogue de la grande tache rouge sur Jupiter et qui a disparu depuis. Quand le télescope spatial, 10 ans plus tard, a regardé depuis la Terre, mais avec une qualité d'image comparable, il n'y avait plus. La tache sombre n'existait plus. Il y a encore des astronomes qui observent les planètes ? Alors absolument. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Parce que, pour une raison très simple, quand vous envoyez une sonde spatiale vers une planète, il faut que ce soit fiable, que ça marche à tous les coups. Donc il faut que l'instrument soit spatialisé, comme on dit, c'est-à-dire d'une part qu'il soit relativement simple, qu'il soit d'une technologie éprouvée. Et ça, ça réduit considérablement les performances. Si vous voulez, par exemple, observer une molécule, prenons l'atmosphère de Mars. L'atmosphère de Mars est très ténue. Donc pour observer ces signatures spectrales gazeuses, il faut des spectres extrêmement résolus, comme on dit, c'est-à-dire avec une précision dans l'échelle de longueur d'onde très grande. Ces instruments sont très compliqués. Vous ne pouvez pas facilement mettre ça à bord d'une sonde spatiale. Mais par contre, au sol, là, vous n'avez pas de problème de poids. Je ne dirais pas que vous n'avez pas de problème d'argent, si vous en avez bien sûr, mais c'est soluble. Enfin, vous pouvez mettre un très gros spectromètre derrière un télescope de grande taille. Et là, vous faites des choses que vous ne pouvez pas faire de l'espace. Il faut vous débarrasser de l'atmosphère terrestre, quand même. Exact. Donc, il faut effectivement choisir des longueurs d'onde accessibles du sol, mais dans l'infrarouge, fort heureusement, on a quand même des fenêtres. Prenons l'exemple de H2O2, le peroxyde d'hydrogène, qui a été cherché sur Mars pendant des décennies. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que c'est un oxydant. Qui est, à l'époque de Viking, on s'était demandé pourquoi il n'y avait pas de molécules organiques à la surface. Et on avait déjà diagnostiqué que sans doute le peroxyde d'hydrogène pourrait être responsable de la destruction de ces molécules. On l'a cherché jusqu'en 2003. Et en 2003, il y a deux équipes qui l'ont trouvé. Une équipe dans le millimétrique, une équipe américaine, et puis la nôtre dans l'infrarouge, en observant à 8 microns un endroit qui est observable depuis... Mais il fallait un instrument extraordinairement résolvant. Alors, actuellement, vous observez à partir d'Hawaï, oui. Qui est un site absolument magnifique, d'abord. Excellent, oui. Magnifique aussi. Oui. Magnifique à tous les sens du terme. Tout à fait. Mais, et là, qu'est-ce que vous observez comme alors, planète ? Alors, justement, là, j'ai fait la dernière fois que j'y étais, j'ai observé Mars. Et justement, j'ai fait une cartographie de ce peroxyde d'hydrogène par la méthode que je vous décrivais à l'instant. Et pour l'instant, il n'y a pas d'instrument à bord de sonde spatiale qui puisse faire l'équivalent. Donc je crois que les observations au sol sur des grands télescopes et des instruments très sophistiqués sont très complémentaires des missions spatiales. Jusqu'au VLT qui a des programmes d'observation de planètes. Oui, bien sûr. Alors c'est un autre exemple, effectivement. Je vous mentionnais l'observation du pôle sud de Neptune, qui est plus chaud que son environnement à cause du solstice d'été dans l'hémisphère sud. C'est aussi une observation faite du sol par le VLT. Alors cette fois c'est un autre instrument qui fonctionnait autour de 5 microns, mais c'est aussi un spectro infrarouge très résolvant. D'ailleurs pour Uranus et Neptune, malheureusement il n'y a pas de projet de sonde dans l'immédiat, donc tout ce qu'on sait d'Uranus et Neptune c'est par les observations au sol uniquement télescopiques. Oui. Ou alors il faut ajouter les observations en orbite terrestre comme le HST ou le satellite ISO qui a été très performant en son temps. Alors, on parlait tout à l'heure de Galiléo qui a permis pendant plusieurs années d'observer les mondes de Jupiter. Il y avait du boulot quand même, parce que là pour le compte il y a beaucoup de satellites et la planète elle-même est quand même un sujet d'étude intéressant. En ce moment il y a Cassini autour de Saturne. On montre très souvent des images des satellites, des anneaux absolument fascinants. Est-ce que Cassini observe l'atmosphère de Saturne ? Il contribue à cette connaissance ? Oui, on apprend des choses ? Oui, oui. Il y a, en fait, il y a deux instruments. Alors, je me réfère à l'infrarouge, parce que le domaine de l'infrarouge est particulièrement intéressant pour l'étude des atmosphères neutres. Parce que c'est la bonne gamme de température. Déjà, ce sont des objets relativement froids comparés aux étoiles. Donc l'infrarouge est le domaine où vous avez le maximum de flux. Et puis aussi, c'est le domaine où vous trouvez toutes les transitions spectrales des molécules neutres. C'est des transitions de rotation, de vibration. C'est le domaine privilégié pour observer les molécules. Que veut dire une atmosphère neutre ? Les atmosphères neutres, je veux dire par opposition à ce qui est ionisé. C'est ça, c'est neutre, électriquement neutre, si vous voulez, c'est ça. Et là, pour observer ces éléments-là, c'est vraiment l'infrarouge qui est le bon domaine. D'ailleurs, on peut dire que c'est l'essor de l'astronomie infrarouge dans les années 70 a été vraiment le vrai moteur pour la compréhension de la composition des atmosphères. Donc deux instruments. Alors deux instruments, donc un dans l'infrarouge proche qui s'appelle VIMS, et l'autre qui s'appelle CIRS, donc Composite Infrared Spectrometer, et dans l'autre cas c'est Visible Image Infrared Mapping Spectrometer, voilà. Bravo. Les acronymes, faut. Les acronymes, c'est dur, il y en a beaucoup. Donc effectivement, ces deux instruments sondent, alors avec évidemment une résolution spectrale plus limitée que ce que je vous décrivais à l'instant avec les télescopes au sol, mais qui font un travail de, comment on appelle ça, de surveillance, de monitoring extrêmement important. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas de découverte, entre guillemets, comme on découvre de nouvelles formations, des systèmes dynamiques sur les anneaux. On a l'impression que c'est du travail de long, hein, vraiment sans doute. Il faut compter le temps, avoir beaucoup d'observations. Oui, et puis c'est vrai que Cassini a eu vraiment des résultats spectaculaires dans d'autres domaines qui ont peut-être un petit peu mis en veilleuse. C'est sûr que la découverte des lacs sur Titan, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire et beaucoup plus nouveau que la composition chimique. Mais enfin, malgré tout, il y a eu des découvertes de molécules nouvelles dans l'atmosphère de Titan. Alors, la grande nouveauté, je pense qu'il faut absolument qu'on y arrive, c'est que depuis 1995, on a, le compte change tous les jours, on va dire plus de 300 planètes. Oui, plus de 300, et voilà. Et je dirais dans les années qui viennent, sans doute des centaines. En tout cas, de quoi avoir une statistique. Absolument. À partir d'objets qui sont des objets de type Jupiter, parfois plus gros, souvent plus gros en tout cas aujourd'hui, et parfois plus petits. On arrive de plus en plus vers des systèmes dits de super-terres et peut-être des terres bientôt. Comment les spécialistes des planètes géantes aujourd'hui voient ces objets ? Est-ce que c'est encore, est-ce qu'il y a encore trop peu d'informations pour qu'on puisse faire de la planétologie comparée ? Ou est-ce que déjà ça interroge, comme vous le disiez tout à l'heure, sur finalement les conditions de naissance des planètes géantes ? Tout à fait. Je pense que ça a été pour les spécialistes des planètes géantes, système solaire, une aubaine extraordinaire d'avoir cette découverte, et ça a suscité énormément d'études à tout point de vue. Par exemple, il y a un certain nombre de spécialistes des atmosphères de Jupiter-Saturne qui ont adapté leurs études théoriques à ce que pouvait donner une atmosphère d'une planète géante dont on mettrait l'étoile juste à proximité pour voir ce que ça donne. Vous avez un rayonnement très fort, vous avez la planète telle... Et ça a suscité tout un tas de modèles nouveaux. Je crois que ça a été extraordinairement riche en matière de... Mais alors, on n'en est pas encore, malheureusement, à les observer. Donc, pour l'instant, je pense que c'est le domaine de la modélisation des atmosphères qui a le plus progressé, et puis aussi le domaine des calculs de dynamique gravitationnelle. Comprendre, puisqu'on a découvert en particulier beaucoup de systèmes planétaires. La plupart des exoplanètes qu'on a trouvées, je crois, elles ne sont pas seules, elles sont à deux ou trois, ce sont des systèmes. Donc les dynamiciens, je pense à l'équipe de l'IMCCE par exemple, Jacques Lascar et ses collègues, ils ont modélisé ces phénomènes de dynamique pour voir les systèmes stables, ceux qu'ils ne sont pas, etc. Donc là aussi, il y a une ouverture du champ de recherche qui est tout à fait intéressante. Alors, j'ai l'impression aussi, mais en voyant les publications des astronomes qui travaillent sur ce sujet-là, qu'on a inventé de nouvelles planètes, potentiel en tout cas. Oui. On parle de planètes océans, on parle de super-terres. J'ai l'impression qu'on a élargi la gamme de planètes possibles. Absolument. Et ça, c'est encore une chose qui reste à comprendre. Effectivement, je vous parlais d'une division très claire entre tellurique et géante dans le cas du système solaire. Il semble que ce ne soit pas vraiment le cas dans ce qu'on observe. On voit des tailles intermédiaires et on ne sait pas très bien encore comment caractériser ces objets parce qu'on ne connaît pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'ils existent, les super-terres existent. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est un champ de recherche tout à fait passionnant qui s'ouvre à nous. Et là, encore une fois, le va-et-vient entre l'observation et la théorie est absolument indispensable. Oui. Et je pense que ça a été aussi une très très heureuse surprise des dernières années, c'est que la méthode classique qui a donné toutes ces découvertes, c'est-à-dire la vélocimétrie, la mesure de la vitesse radiale de l'étoile qui permet indirectement de trouver la planète, on pensait au début qu'on ne pourrait pas descendre à des masses telles que les super-terres. Et finalement, les instruments comme ARPS, conçus par Michel Mayor au Chili, ils se sont avérés capables de... Ils ont la précision suffisante pour descendre au super-terre. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que depuis le sol, dans les années qui viennent, avec les instruments actuels, on va agrandir notre statistique de ces objets, sans aucun doute. On peut donner une définition des super-terres, c'est en termes de masse? Oui, ce qu'on appelle une super-terre, en fait, c'est quelque chose qui fait plus que 5, enfin entre 2 et 15 masses terrestres. Sachant qu'on a l'exemple d'Uranus qui en fait... Uranus en fait 15, oui, c'est ça. Bon, nous, dans le système solaire, on n'a rien entre 1 et 15. Et on trouve dans les systèmes planétaires des choses qui font 6. Alors, évidemment, leur étoile n'est pas le Soleil non plus. Hein, donc, il faut se garder d'une comparaison trop rapide. Ce n'est pas des systèmes solaires. Hein, c'est souvent des systèmes planétaires avec des étoiles très différentes des nôtres. Vous qui avez travaillé à une époque où ces mondes-là n'existaient pas, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Leur quantité, l'extrême variété, encore une fois, de ces objets potentiels Ce qui m'a le plus frappé, mais c'est, je vous dis, c'était au point que c'était une révolution culturelle, c'est la présence de ces planètes géantes à côté de leur étoile. Mais c'est vraiment à côté. Hein. Ah ben oui, ça tourne en 4 jours. C'est 0,03 unités astronomiques. Imaginez une planète tournant en 4 jours. Imaginez Jupiter tournant en 4 jours à côté du Soleil. C'était pas imaginable. C'est pas imaginable. Oui, c'est ce qui a fait que Michel Mayor a trouvé d'ailleurs cet objet, parce que absolument. Tous les autres avaient écarté ça en disant peine de chercher aussi près. Mais c'est sûr, mais ça, on est souvent victime des préjugés comme ça. Et ce qui fait, je crois, le caractère extraordinaire de la découverte de Michel Mayor, c'est qu'il ne s'est pas laissé impressionner par des préjugés. Et ça, c'est comme ça qu'on fait les découvertes. Alors, je vous ai gardé la question la plus complexe peut-être pour la fin. C'est finalement, est-ce qu'on est unique dans le système solaire? Est-ce qu'on peut le rester encore quand on commence à se comparer à l'extérieur? Est-ce qu'on est originaux? Je ne peux pas répondre. Je peux vous donner mon avis, mais ce n'est pas un avis, ça n'est pas basé sur une certitude scientifique. Pour l'instant, je crois que personne ne peut répondre à la question « sommes-nous uniques ?» Selon les gens vous répondront oui ou non, un peu selon leur propre feeling. C'est vrai que quand on voit la multitude des systèmes, on est tenté de penser que non, on n'est pas seul, c'est pas possible. D'un autre côté, quand on voit la quantité de conditions qui ont dû être réunies pour que la Terre soit ce qu'elle soit, c'est pas non plus quelque chose qu'on peut reproduire facilement. Donc vous avez les deux écoles. Il y en a qui vous diront pour reproduire la vie, il faut des conditions tellement de conditions ensemble que on est peut-être unique. Et puis d'autres qui vous diront, moi j'appartiens plutôt à la deuxième catégorie, il y a tellement de systèmes que je vois pas bien pourquoi on serait unique, franchement. Mais ça, c'est pas un avis de... Il n'y a pas d'argument scientifique qui permette de basculer dans un sens plutôt que dans un autre. Non, parce que c'est en termes de probabilité que ça se passe, si vous voulez. Et il y a trop d'inconnus encore dans le système. Même si le fait de découvrir des centaines et sans doute des milliards de planètes, c'est déjà une levée inconnue qui était pas mince. Vous connaissez cette fameuse équation de Drake qui calcule le nombre de planètes où la vie pourrait exister. Alors, c'est une série de facteurs. Le nombre d'étoiles que vous multipliez par le pourcentage d'étoiles qui ont une planète, vous multipliez par le nombre de planètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire la région où l'eau a la chance d'être liquide. En plus, ensuite, vous multipliez par celles parmi ces planètes qui ont vu apparaître la vie. Et c'est là où le coefficient est tout ce que vous voulez, parce qu'on n'a aucune information scientifique. Tant qu'on n'a pas trouvé la vie ailleurs... On ne peut pas donner un chiffre sur la probabilité d'apparition de la vie dans un milieu même favorable. Et c'est là où le bât blesse, en fait. C'est là où l'énorme inconnu intervient. C'est une discussion qui a lieu chez les astronomes où je dirais c'est tacite. Carl Sagan était quelqu'un qui avait énormément développé ces choses-là. C'est très malheureux qu'il soit décédé avant... avant l'apparition, enfin les découvertes des dernières années. Quelqu'un qui est à la fois les bases scientifiques et en même temps capable d'ouvrir la réflexion. Il posait bien les questions, effectivement. Tout était... cette fameuse équation de Drake, elle est elle était déjà posée, disons, il y a, une vingtaine d'années. Donc, oui, le débat... Elle a conduit des astronomes à se lancer dans des programmes pour écouter le ciel, hein, même si absolument, après, c'est devenu de l'initiative privée, mais oui, ça a quand même conduit des programmes. Et puis, en France, ne serait-ce qu'en France, ça a insufflé une dynamique considérable. Par exemple, le CNRS a créé un programme interdisciplinaire qui s'appelle « Origine des planètes et de la vie », suite à la découverte de ces exoplanètes. Et ça a développé tout un tas de recherches sur comment la vie est apparue sur Terre. Donc ça a mis ensemble des communautés qui ne se connaissaient pas avant, les biologistes, les physiciens, les chimistes, les astronomes, et ce qu'on appelle maintenant les exobiologistes, qui travaillent sur la recherche de la vie dans l'univers. Donc il y a eu effectivement un développement considérable de ces activités de recherche. Et obligation de confronter les points de vue. Absolument. Merci Thérèse Encrenaz. Je vous en prie. Je renverrai en complément de cet entretien aux nombreux ouvrages que vous avez publiés d'ailleurs chez Belin, le dernier étant co-signé avec Fabienne Cazoli et consacré aux exoplanètes, mais aussi à la recherche de l'eau dans l'univers et aux planètes géantes et à leurs atmosphères, même si ça remonte un petit peu plus loin. Mais ça, comme on l'a expliqué, ce sont des sujets qui avancent doucement, donc on peut s'y référer pour les bases et les explications principales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.